T'aimes pas quand t'as l'air malheureux, Ergo, qu'il y a de l'orage dans ta tête. Tout le monde voudrait être dans ta peau, Ergo, même quand tu vas aux toilettes. De tout le village, c'est Nick le chouchou, mais t'es le plus fort, c'est l'esbourg. Toutes les femmes devant toi sont à genoux et c'est pas difficile à comprendre. Le plus beau c'est Ergo, le plus costaud c'est Ergo, et personne n'a une grosse crête rouge comme Ergo. Un caïd qui fait pas dans la propre luche, qui a des muscles et un châle orange. Demandez à Tony, Nick ou la truche, ils vont dire tout de suite sincèrement ce qu'ils en pensent. Le plus chouette c'est Ergo, le grand boss c'est Ergo, et personne n'a comme lui un énorme menton. Quel numéro c'est Ergo? Il bip, oura, oura, il bip. Ergo, c'est sur cette terre à la vie Sinclair. Le plus fort c'est Ergo, quand t'es mort c'est Ergo. Quand tu l'es mais sur un ring, personne gagne comme Ergo. Il est grand, il est fort et bien bâti. Ça c'est pas du biceps sans papier. Il a une carrure de chef en mousse. C'est vrai. Torse me lui fait hurler les fagots. Le plus classe c'est Ergo, le plus coriace c'est Ergo, et en course de haut vol, personne vole comme Ergo. Je suis vraiment très doué en Twitch Gooba. Touille, faire des sous Ergo. Oui. Quand j'étais petit, je gommais 12 et 9 pour être fort et chanter mes dramas. Maintenant que je suis grand, j'en avale 62, c'est pour ça que je suis vert comme Baba. Personne vole comme Ergo, personne triche comme Ergo, et personne n'a le sémestrier de Ergo. Je sais bâtir des trucs comme des catapultes. T'es un héros, Ergo.